Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le numéro 46 du mag, un numéro durant lequel on va faire le tour des news du côté de la télé, des comics en VO, en VF, mais aussi du côté des adaptations au cinéma. En fin, toute fin d'émission, après le générique, nous vous parlerons évidemment du comics de la semaine, qui est évidemment DC Universe Rebirth numéro 1. Je suis Mathieu et vous allez écouter le mag numéro 46. Et avec moi cette semaine, Arnaud. Salut. Et Clément. Salut. On va commencer comme d'habitude par la télé, mais juste avant, oui, on a été absent quelques semaines, des semaines très chargées de notre côté. On est de retour, vous êtes quelques-uns à nous avoir demandé un petit peu sur Twitter, par message ou autre, voilà, si on allait revenir ou pas. Oui, évidemment, on revient, on n'allait pas partir comme ça sans vous le dire. Juste, on a eu des semaines très chargées, on n'a pas vraiment pu enregistrer de podcast pendant 2 ou 3 semaines, donc là, on est de retour, on va attaquer le gros morceau, notamment du côté de sur nos écrans avec tous les bilans de séries télé. Mais aujourd'hui, c'est le mag, et donc on va commencer par la télé. Du côté de la télé, on aurait pu vous parler de Tom Cavanagh qui nous annonce qu'il sera bien là dans la saison 3 de The Flash, comme si on en doutait. On va revenir quand même sur le gros morceau de ces dernières semaines, dont on n'a pas pu encore vous parler, c'est évidemment les Upfronts 2016, donc qui annonce toutes les commandes de séries, on a pu voir quelques images, on a pu apprendre également des annulations. On va revenir assez brièvement sur tout ça. D'abord les annulations, ou en tout cas les victimes de ces Upfronts, John Carter évidemment. Malheureusement. Ouais, pas sûr. Voilà, pas de surprise, hein, mais bon, non. Voilà, cette fois c'est sûr, c'était mal quand on ne même. verra pas Peggy à la télé. Est-ce qu'il y a d'autres victimes du côté des Upfronts? J'ai pas l'impression. Bah, non, je je crois que pas. Eh Ah oui, oui, le Most pilote d'Agents Wanted. of S.H.I.E.L.D., Most Wanted, Oui, qui a pas été commandé pour la deuxième fois. l'Arlésienne de Marvel. c'est ça. Je pense que celle-là, on la verra jamais. Bon, Tant non, mieux. puis il y aura plus de séries Marvel en 2010, après 2017 sur ABC, tout simplement. Ils l'ont Pas pas sûr, on dit, mais verra. ça s'annonce comme ça. Hein. On verra. En tout cas, l'année 2016-2017 va être effectivement charnière pour Marvel Studios à la télé. Et puis du côté des semi-victimes, on peut parler de Supergirl, parce qu'on peut pas dire qu'elle est victime dans le sens où elle va changer de chaîne et perdre une bonne partie de son budget, mais elle obtient quand même cette deuxième saison importante pour elle. Ouais, sur la Oui. CW. Voilà, donc elle va aller rejoindre Barry Allen et comment il s'appelle Oliver Queen, purée, j'ai eu du mal. Il te marque vraiment maintenant. Ouais, donc elle va y La rejoindre ces preuve de la deux-là. qualité de la saison. Elle va aller rejoindre toute la joyeuse troupe de Legends of Tomorrow aussi, voilà, pour former une jolie chaîne DC Comics du côté de la CW. Bonne nouvelle ou pas? Je m'en fous. Bah, dans un sens, oui, parce que le ton de la série a toujours été assez proche de ce que la CW fait, et pas si biaise, donc elle a plutôt sa place sur cette chaîne-là. Avec le même producteur en plus, tout ça. Après, ce qui va être. Apparemment, c'est pour une saison pleine, hein, une saison de 22, c'est ce qui circule. C'est assez étonnant. Je m'attendais plutôt à une demi-saison, mais bon. Ouais, bah tu vas avoir un budget dégueulasse alors, c'est des images vont être dégueulasses. Ah, bah oui, de toute façon, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Du côté des renouvellements, bah, on savait déjà hein, tout sur la CW a été renouvelé, hein, ça, il n'y a pas de surprise, hein, que ce soit iZombie, que ce soit Flash Arrow ou Legends of Tomorrow, tout revient. Agents of S.H.I.E.L.D. revient, on le savait aussi. Qu'est-ce qui a été renouvelé? Gotham. Gotham, The Walking Dead, Fear The Walking Dead, on le savait. Enfin, tout ça, on le savait. Il n'y avait pas de suspense. Maintenant, on a eu des séries qui ont été commandées. La première, c'est une comédie qui, toi, te plaît bien à Arnaud, puisqu'il s'agit de Powerless. Ouais, c'est ça, la première comédie de super-héros de DC. Moi, le sujet m'a toujours intéressé. Bon, alors, Legends of Tomorrow, déjà. Comédie assumée, disons. Mais ouais, le sujet sur le. C'est quoi? C'est comment dire? Une compagnie d'assurance qui s'occupe de gérer les conséquences des interventions de super-héros de l'univers DC. Et avec un casting plutôt bon, bon, si on met de côté Vanessa Hudgens dans le rôle de l'héroïne, il faut voir ce qu'elle vaut. Mais sinon, les autres qui tournent autour d'elle, entre Danny Pudi de Community, Alan Paydog de Firefly, enfin, il y a d'autres encore, il y a un assez bon casting, surtout que pas mal déjà viennent déjà de la comédie, de bonnes comédies. Donc, et le trailer que j'ai pu voir, m'a donné plutôt envie de tester. Je ne l'ai même pas vu. C'est dire si j'ai eu du temps à moi ces dernières semaines, je n'ai même pas vu le trailer. Eh bien, tu devrais. J'irai jeter un œil, j'irai jeter un œil. Tu l'as vu toi, Clément, cette vidéo? Le trailer de... Comment ça s'appelle déjà? Powerless. Ouais, franchement, ça m'a fait ni chaud ni froid. Ok. Ça... Non, mais vraiment, Moi, c'est c'est dit. pas... Enfin, c'est pas... C'est vraiment pas un truc qui me... Ça a l'air drôle, mais alors franchement, ouais, non, je m'en fous un peu en fait de cette série. D'accord, mais ben écoute, on se donne rendez-vous à la Bah, rentrée, ça pour moi, m'aiderait. ça m'attire un The Office chez DC, ça peut être pas mal. Surtout que NBC est plutôt connu pour ses bonnes comédies de bureau, alors pourquoi Ouais. pas. Bon, de toute façon, on regardera, hein, au moins le début. Ouais, Et mais puis on a la l'autre. saison par contre. Ouais, il faudra attendre un petit peu. Et puis l'autre grosse commande, il faudra là aussi attendre un petit peu parce que c'est pas pour la rentrée, ce sera pour plus tard. C'est Mes Chouchous de Riverdale. Ça, on va pas le savoir avec toi. Enfin, l'adaptation de l'univers Archie Comics arrive à la télé, arrive sur la CW. On a eu droit à moult réactions de la part du casting et de toute l'équipe, voilà, sur les réseaux sociaux. Et on sent que la bonne ambiance règne autour de cette série. Maintenant, c'est pas la bonne ambiance dans le trailer, hein. Ah. Non, c'est clair, je m'attendais pas du tout à ça. Hein. Voilà, on se dirige clairement vers quelque chose de très sombre. Ce qui avait surpris les personnes qui ont pu mettre la main sur le script et qui ont pu un peu suivre le tournage, etc. C'est voilà, c'est vraiment, on est à Riverdale, on a les personnages de l'univers de Archie Comics, mais on se place sur un pan un peu noir. Alors apparemment le Ouais. comics c'est vraiment C'est autre chose. C'est c'est tout plus l'enjeu, ça frais. respire la loi de vivre. C'est plus frais. C'est D'accord. plus voilà. Là ça a l'air d'être un Véronica Mars en plus sombre. Stéphane sera content, puisque on en parlait dans l'émission I Zombie. Lui, il a, voilà, il espère un petit truc à la Véronica Mars. Donc, voilà. Moi, je suis plutôt content, hein, que ça prenne un côté un peu sombre, un peu mystère, un peu enquête et tout ça. Bah, j'avoue que moi, Du moment que ça vire pas Pretty Little Liars, moi, ça me va. je connaissais pas du tout, j'ai vu le trailer et franchement, moi, contrairement à l'autre série là dont on parlait avant, franchement, moi, je sais que je vais regarder parce que ça m'intéresse, quoi. Il y a un côté dark et qui a l'air plutôt intéressant. Il y a une ambiance. Ouais. Et déjà, ça me plaît. Et puis, je suis plutôt content dans le sens où, voilà, l'univers d'Archie, dans les comics, les séries principales, Archie, Jughead, etc., sont plutôt légères, plutôt lumineuses. Mais l'univers d'Archie sait se décliner, puisqu'on a Afterlife with Archie, qui est le même univers, mais version horrifique. Donc, voir le Ah. même univers à la télé, mais encore dans une autre version, moi, je dis banco, pas de souci, ça m'intéresse. Non mais même si ça c'est pas du tout ce à quoi on peut s'attendre en une série Archie et Si de ce c'est qu'on bien peut fait. lire, ça a l'air quand même plutôt Ça a l'air intéressant. pas mal, ouais. Ouais. Bon, on a les côtés teen, etc., hein, qui sont Oui, là, hein. bah On a les ça, histoires c'est les d'amour, on oui, les devenus. voit, voilà, il y a plein de choses, voilà, le dilemme entre Betty et Véronica pour Archie, on le voit déjà clairement. Voilà, y a pas que le côté sombre et mystérieux, mais il y a ça aussi, et ça peut donner une patte intéressante à la série. Est-ce qu'on avait d'autres choses sur les upfronts ou pas? Non, je crois que c'est tout. Non, hein, pas de damage control non plus, ça on l'a pas dit. Non, mais ça, ils l'ont abandonné au début de l'année, le projet. Ils ont même pas tourné le pilote. Donc voilà. Une preuve supplémentaire que ABC veut se débarrasser de Marvel, puisque en plus de la non-commande de Damage Control de Most Wanted et ABC qui met Agents of S.H.I.E.L.D. le mardi à 22h pour la laisser mourir. Hein. Ouais, c'est Et la puis tous les quatrième. nouveaux projets qui se dirigent soit vers Netflix, soit vers le câble, avec Cloak and Dagger, Non, mais ça c'est sûr, ça sent pas on se hyper dirige bon. plus vers une disparition de Marvel d'ABC. A priori, les agents du Shield vont tourner encore cette année et l'année prochaine. Bye C'est Alors, probable que ce soit fini. à moins d'une grosse surprise que la série trouve une bonne place sur sa case Ça serait étonnant. et puisse Je avoir pense pas. un ton un peu plus sombre, un peu plus mature qui conquiert un nouveau public, je vois pas comment elle pourrait s'en sortir autrement. Donc bon, bah, on va profiter de cette dernière saison et puis voilà. Hein. C'est ça. Allez, on va passer à la suite du programme de ce mag. La suite, c'est quoi? Alors que Netflix se lance sur mon PC sans que je lui ai demandé. Merci Netflix. C'est les comics VF. On aurait pu vous parler de la Comic Con qui s'enfonce, qui annonce de nouveaux invités, mais on le fera pas. Hein. Non. On peut rapidement vous dire que Panini a annoncé des choses plutôt intéressantes. Ouais. Comment? Oui, bah, ils ont annoncé donc Chrononauts, donc de Mark Millar, et Starlight, qui est aussi de Mark Millar, donc en septembre. Donc Chrononauts, qui était sorti chez Image Comics, je dis pas de bêtises, courant début de l'année, je crois. Ouais, début d'année dernière, ouais. Début de l'année dernière. Bah, je crois qu'on avait déjà parlé vite fait un peu. On avait dit deux mots, ouais, on avait C'est lu tous les deux. sympa. J'ai été un peu déçu parce que je m'attendais à un truc de mieux. C'est sympa quoi, c'est pas non plus la merde, mais voilà, ça se lit. C'est pas, pour moi, c'est pas un indispensable, Ah bah non, clairement. ça c'est sûr. Et dans le comics indé, c'est clairement pas un indispensable. Et puis Starlight, bah, j'ai pas lu, donc je sais pas du Starlight tout. c'est déjà mieux, c'est déjà plus ambitieux et plus un peu plus creusé. Donc, s'il fallait en choisir un des deux, je choisirais peut-être Starlight, mais Chrononauts, voilà, ça reste divertissement. Et puis Oui, c'est du côté de Marvel en Select, ils nous ont annoncé deux choses. Oui, ils ont annoncé donc Marvel Zombies en août et le dernier tome de Daredevil par Bendis pour septembre. Ils ont été à une vitesse incroyable pour ressortir Daredevil de Bendis en Ouais, Select. ils ont commencé en Le février, premier tome est janvier. quand même sorti, voilà, fin janvier, début Ah ouais, c'est février. Hein. ça. Il était à Angoulême fin janvier. Mais c'est Là, on en dingue. est au tome 4 en septembre. Enfin, ça a été un rythme incroyable. Ils veulent Sérieux? vraiment surfer sur le succès de la série. Et voilà. Ouais. C'est impressionnant parce que d'habitude Panini ils sont plus Et à la rigueur, tant mieux, parce que c'est des tomes en deluxe qui sont introuvables. Donc voilà, Ah ouais? c'est très bien de retrouver Marvel Zombies aussi dans une collection pas chère comme ça. Voilà, parce que Bah c'est surtout que c'est pas, enfin c'est pas polichon quoi. Marvel Zombies, si? Ah, je Oh, sais si, t'es pas. sûr pas, c'est Kirkman qui a lancé ça. Ah d'accord, je savais pas. Bon bah. Et puis non, le premier arc est plutôt sympa. Enfin, ce qui va être dans ce premier tome là, c'est plutôt du bon. Donc non, faut aller tester parce que c'est plutôt sympa de voir l'univers Marvel un peu En différemment. zombie. On vous en parlait, bah non, on vous en parlait pas puisque vous n'avez pas entendu ça. Urban frappé par le syndrome Panini, avec notamment cette fameuse collection Urban Premium, soi-disant. Et puis là, ils nous ont annoncé dans les dernières semaines que DMZ et 100 Bullets, deux grosses séries indées du côté de chez Vertigo, qui ont déjà été éditées par Urban en intégralité, vont être reproposées dans une nouvelle version, une version intégrale, donc qui va regrouper plusieurs tomes dans des volumes plus gros. Ouais. Par exemple, pour DMZ, c'est les numéros 1 à 19, je crois, Ah ouais. et pour 100 Bullets, c'est les numéros 1 à 12, ou l'inverse. Mais en tout cas, voilà, c'est des gros volumes à 28 €. Donc c'est des versions intégrales qui vont permettre de compiler les séries en moins de tomes. Le problème c'est que bah, c'est déjà sorti et ça fait pas si longtemps que c'est sorti, quoi. Ouais, c'est. Et c'est toujours disponible en librairie. Alors, il y en a qui commencent à être difficiles à trouver, pour certains. Mais à la rigueur, enfin moi je serais plutôt partisan et comme pour Panini, c'est pareil, hein, rééditer ce qui est déjà existant. Pourquoi vous amuser à refaire une nouvelle collection? Ouais. Je sais pas. Bon après, l'avantage c'est que ça sera moins cher, c'est 28 €, ça regroupe deux ou même trois volumes pour C'est certains. sûr. Voilà. Donc oui, ok. Non, ils ont qu'à éditer, tiens, Y, le dernier homme, parce que je Bah crois pas. c'est C'est fait. déjà fait. Ah, c'est déjà Ils ont fait. sorti un 5 tomes à 28 €. Ah, je savais pas. Bon, bah. Donc ça, c'est fait. Mais du coup, voilà, on sait qu'ils veulent ressortir le run de Geoff Jones sur Green Lantern dans cette collection intégrale aussi, parce que ça commence à D'accord. être difficile à trouver aussi. Il y a pas mal de tomes qui sont épuisés. Bah à la Bon. rigueur qu'ils fassent des omnibus, enfin je sais pas. Bah ouais, bah peut-être qu'ils en feront plus tard. Ça serait bien, je trouve que c'est ce qui manque, c'est finalement enfin les omnibus, je crois que Panini a fait ça un peu aussi, mais bon, c'est pas génial. Panini en sort deux par an. Ouais, c'est ça, donc je trouve qu'Urban il ferait bien de faire des omnibus, quoi. Pourquoi pas? Bah s'ils sont dans cette optique de ressortir des trucs édités et que ça se prenne moins de tomes qu'à l'origine, autant qu'ils le sortent en omnibus. Bon après, pour les DMZ et 100 Bullets en version intégrale, on sait pas la qualité du papier, hein, ça sera sûrement pas la Ouais, même, hein, voilà. c'est sûr. Donc, à voir. À voir sur pièce. Mais bon, en tout cas, voilà, plutôt que de rééditer des trucs, là, il y a beaucoup de rééditions en ce moment. Du côté de chez Urban, ils ressortent pas mal de trucs qu'ils ont déjà proposés, et ça serait peut-être bien de proposer un peu plus de nouvelles choses, ou alors de choses qui étaient chez Panini et qu'on ne trouve plus maintenant, et puis Ouais. voilà. Donc, bon. Allez, on va passer du côté du ciné. Du côté du ciné, on aurait pu vous dire que Star Wars 8 a bouclé la partie irlandaise de sa production, que Loki est en rumeur pour devenir 007. C'est la grosse rumeur de la semaine, après avoir été Jamie Bell, bah maintenant on nous dit que ce serait Tom Hiddleston. C'était pas avant ça plutôt? Il me Oui, semble c'était Tommy pas Hiddleston que avant c'était Jamie avant. Bell. Ah bon, bah, Que moi Jamie j'avais vu Bell, là. c'est Moi vraiment apparu cette j'ai semaine. appris les choses à ordre inverse, donc ok. Bon, en tout cas voilà, hein, la chose et Loki sont peut-être les prochains James Bond. Miles Morales serait au cœur du film d'animation Spidey. Tant mieux. Pourquoi pas? Mais ce qui est plus intéressant, c'est de parler de Kingsman, de Kingsman 2, évidemment, qui a agrandi son casting. Il y a pas mal de gros noms qui commencent à être proposés dans ce film-là, hein, puisqu'on avait déjà Colin Firth, évidemment, Elton John avait été annoncé, bon, Channing Tatum aussi. Et là, c'est Jeff Bridges qui rejoint le film. Oh, c'est pas n'importe. The Dude, quand même. Ah oui, quand même. Voilà. Donc, pas mal. Ah bah oui, pas qu'un peu. Pas mal tout ça, ouais. Donc, un nouvel acteur au programme pour ce film qui sortira, si je me trompe pas, en 2017. Je crois aussi, ouais, Il me semble. l'été Il me 2017. semble que c'est ça, hein. Il me semble. Et puis, pour être complet du côté du ciné, la Fox a bougé deux films. Oui, j'ai vu ça. Voilà. Alors, à cause, en fait, de la blessure de Dylan O'Brien, on sait que l'acteur s'est blessé sur le tournage de Maze Runner The Death Cure, qui est le troisième tome, le troisième film de la saga Maze Runner. Donc, ce film a dû être reporté en 2018 parce que, au niveau des blessures, voilà, il va mettre un peu plus de temps que ce qu'il pouvait penser au début à s'en remettre. Donc, du coup, ils ont bougé un petit peu le planning de 2018 et les deux films Marvel qui n'ont pour le moment pas de titre ont été décalés. Donc, le premier passe du 12 janvier au 2 mars et le deuxième passe du 13 juillet au 29 juin. C'est des petits changements, hein, mais 2018. voilà, 2018. Hein. Donc, voilà, des petits changements sur le calendrier. Pas d'idée sur ce que sont les. Enfin, pas de titre en ce qui concerne ces films-là, mais bon, ça fait pas de mystère. De tous les New Mutants. Voilà, Ou X-Force. a priori, c'est ça. Ouais. Ou X-Force peut-être, mais Pas voilà. X-Force, il a été annoncé officiellement ou c'est toujours des rumeurs? Ça reste des rumeurs, Ça reste des je rumeurs, mais crois. c'est Les pas New Mutants, impossible. ça a été officialisé. Ouais, effectivement. Mais c'est pas impossible. Voilà, bon. Ou la suite des X-Men. Ouais, Ouais, est-ce que ça c'est j'ai du obligatoire? Est-ce que c'est obligatoire? Ça, c'est pas sûr. mal. En tout cas, On en parlera tout à l'heure. on en parle jeudi sur nos écrans. Allez, on va passer au Comics VO. Et tout doucement, on va approcher du gros morceau de cette émission. Si vous avez l'impression qu'on passe un peu vite sur les news, c'est pas étonnant parce qu'on a un gros truc à débriefer juste après le générique, Pas donc qu'un voilà. peu. On aurait pu parler du côté des comics VO de la polémique Captain America, mais c'est voilà. Enfin, si on peut peut-être en dire deux mots quand même, parce que menacer de mort un scénariste juste parce qu'il fait un twist sur un personnage, Et voilà. il y a eu des menaces de mort? Oui, il y a Sérieux? eu plusieurs de menaces de mort à l'encontre de Nick Spencer, voilà, Ouah, sur les non, réseaux faut pas sociaux, sur abuser. machin. Enfin, voilà. Y a des gens qui sont visiblement, voilà. Un peu trop atteint. Voilà. Ouais. Non, bah après, c'est une idée de merde, quoi, mais bon. Après voilà, on peut ne pas Stan aimer. Lee aime l'idée. Ah, bah Stan. si Papy Stan Lee aime l'idée. Mais Stan Lee touche des royalties, donc Stan Lee ne va pas dire que ça va bien. Et on aurait pu vous parler de cette incroyable cover dessinée par 50 artistes différents pour le numéro 50 et le dernier numéro de XO Manowar chez Valiant. Je sais pas si vous l'avez vu, mais elle est quand Pas même du tout. plutôt incroyable. En fait, il y a 50 XO Manowar dessinés sur cette couverture et chacun est dessiné par un artiste différent. Alors Et ça il y a c'est des grands fort. noms? Ouais. Il y a du Neil Adams, puis il y a tous les grands dessinateurs modernes, notamment les grands dessinateurs de Valiant, que ce soit Paolo Rivera ou d'autres, mais il y a aussi Jeff Lemire qui a fait son petit XO Manowar. Enfin voilà, il y a plein de. Viens de la voir, c'est Ils sont classe. cinquante. Elle est classe quand même. Ah Ouais. ouais, quand même, elle envoie. On aurait pu vous dire que Geoff Jones propose de rembourser les lecteurs déçus par l'univers, par le DC Universe Rebirth numéro 1. On va voir si, on va voir juste après le générique si nous on demandera le remboursement. Et puis, on aurait pu vous parler du second printing de luxe pour le DC Universe Rebirth numéro 1 en hardcover pour seulement 6$. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, et je sais pas si tu veux bien nous en parler, peut-être aller au Pif Arnaud, Comixology Unlimited, qui est lancé aux USA. Oui, c'est un nouveau concept, mais comme souvent, on compare à une autre plateforme à succès, on compare à un Netflix pour les comics. En fait, c'est Comixology qui lance un abonnement pour 5,99$ par mois, où vous pouvez lire en illimité une sélection de comics qui viennent pas des deux principaux. Mais c'est des comics qui viennent de Image Comics, de Boom, de Dark Horse et d'autres éditeurs indépendants. Mais c'est quand même, ils offrent quand même pas mal de comics. Ils offrent Archie à peu Comics. près 100 000 comics, si j'ai bien, Ouais, si mes souvenirs il y a un catalogue assez sont incroyable. bons, quelque chose comme ça. Il y a une énorme base de données de comics qui sont proposées, allant de The Walking Dead à Hellboy, Buffy, plein Archie. d'autres choses. Toutes tes merveilles, quoi. Ouais. Donc, testé d'abord aux USA, on ne doute pas que ça arrivera en France. Normal que Arrivera Marvel ne soit dans pas dans le quelques catalogue, temps. parce que Marvel a déjà son offre en Unlimited. Donc, je les voyais mal rejoindre l'opération voilà, de Comixology. Ce qui veut dire que maintenant, il y a un seul éditeur qui n'a aucune offre digitale. C'est DC. Ah ouais, ils sont complètement à Comme la traîne. d'habitude, à la traîne. Ils sont complètement à la traîne. Non, non, mais DC et le numérique, c'est la ramasse complète. Ah bah, quand tu vois que Marvel, dans chaque numéro, t'as un code pour avoir le... Alors que DC, non, ils sont à la ramasse totale. Ah oui, non, non, mais voilà, c'est terrible. Bref, et puis l'autre gros dossier de la semaine, Enfin, ouais, qui a eu autre. lieu mercredi. Non, mais quand même, mercredi est une journée hyper particulière Ah ouais. pour les Ah fans de bah oui. comics, parce que d'un côté, on a DC qui nous balance DC Universe Rebirth numéro 1. Et de l'autre. On en parlera juste après, le générique de fin. Et de l'autre, Et Marvel qui se fout voilà. Et grandement de la gueule des lecteurs. écoute, vas-y Clément, je te laisse en Ah parler. ouais, non, mais là, enfin, je suis désolé. Oui, alors, comme tu disais, d'un côté, on a eu quand même un numéro qui était extrêmement attendu par tous les fans de comics, donc DC Universe Rebirth 1. Et de l'autre, bah forcément, fallait que Marvel réagisse. Mais alors, ils ont réagi de la pire manière qui soit et vraiment pris les lecteurs. Moi, je le considère comme ça, c'est prendre les lecteurs pour des cons. Ils ont ni plus ni moins osé annoncer un nouveau Marvel No. Donc, la meilleure réplique qu'ils ont eue, bah, c'est on va encore rebooter notre univers, on va tout redémarrer nos titres, hein, changer d'équipe créative. Mais ils se foutent vraiment de la gueule du monde, Et en plus, ils franchement. sont pas fait chier sur le nom, ils ont Marvel repris No. le nom du premier reboot. Mais non, enfin, c'est lamentable, quoi. Ils se font même plus chier. À chaque fois que DC va faire quelque chose d'envergure pour contrer Marvel, bah, Marvel, ils vont dire, bah non, on lève le petit doigt, nous, on va rebooter. Sauf qu'à côté, bah, DC garde ses titres à 3$ et Marvel a toujours ses titres qui sont à 4-5$, quoi. Alors, pas reboot, hein, relaunch, attention, hein, Relaunch, c'est. ouais, mais enfin On se bon. dirige en tout cas, voilà, à la fin de Civil War 2, clairement, vers un nouveau statu quo. Encore une fois, l'univers C'est Marvel, ouais, n'importe quoi. c'est pas comme si on avait Secret Wars il y a un an, il y a un moment à C'est part se ça. détendre un peu du bulbe, les gars. Du Donc foutage de gueule. encore une fois, l'univers va être bouleversé à jamais, c'est-à-dire pour 6 mois. C'est ça. Et encore une fois, on nous fait un relaunch total des titres, voilà, avec des nouveaux numéros 1, des Mais trucs. alors, ce qui est très marrant, c'est de lire les réactions sur Internet, sur les forums, etc. Et donc, du coup, je pense que Marvel, avec ce relaunch, va se tirer une balle dans le pied, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui disent, bah, fini Marvel, j'en ai marre de lire Marvel. Ben maintenant, il faut que ces gens-là n'achètent plus, vraiment. C'est Parce que ça. malheureusement, c'est des gens qui disent je vais arrêter, je vais Ouais. arrêter. Sauf qu'ils vont voir un Daredevil numéro 1, un Avengers numéro 1, et ça va être les premiers à plonger dedans. C'est ça. Mais enfin, moi, clairement, là, avec Marvel, moi, stop, quoi. Enfin, je veux dire, à côté d'un DC qui refait une offre et qui fait des comics abordables, parce que Marvel, faut pas oublier qu'ils ont profité quand même du relaunch pour mettre un prix de base qui est quand même assez hallucinant. Faut bien le dire. Donc, non, c'est quand même, enfin, c'est du foutage de gueule de la part de Marvel. C'est C'est bien prendre les. simple, chez Marvel maintenant, tous les numéros 1 soient 5$ ou plus. Ouais, c'est vraiment prendre les lecteurs pour des vaches à lait, quoi. Donc Mais tu ils ont m'étonnes qu'on fait des numéros 1 à gogo. Ouais, mais ils ont tendance à oublier quand même que la dernière fois qu'ils ont augmenté les prix des numéros et qu'ils ont inondé le marché de comics, il y a eu une petite crise qui a touché leur société. Donc. Ah bah ouais. Bon après on attend les annonces hein, de toute façon, on verra bien ce qu'ils vont nous pondre encore, mais voilà. Un énième relaunch et en plus en reprenant le nom du Ouais. Marvel Now. Franchement. Ouais, voilà. Il y a pas de quoi être emballé, hein. On va pas. Donc ça sera pour l'automne. Comme Fall. par hasard. Fall, comme ils disent. Donc ça sera septembre, quoi. C'est ça. Comme par hasard, quand les derniers numéros Rebirth vont arriver. Ouais, ça va être le dernier mois des lancements des dernières séries Rebirth. Ouais, Quand ils attendent, DC ils attendent. aura En bien gros, installé son univers. ils attendent que l'orage passe et voilà. Donc, on verra. Parce qu'ils espèrent que ce ne sera qu'un orage. Mais on verra Suis pas après. persuadé. On verra sur les ventes. Ah, je souhaite que ça n'en soit pas qu'un. Ah ouais, c'est clair. Mais Moi aussi. allez, on va s'arrêter pour cette partie de l'émission. On a choisi de vous mettre le comics de la semaine, qui est donc DC Universe Rebirth numéro 1, après le générique, pour la simple et bonne raison que les lecteurs VF ne l'auront pas lu, que certains lecteurs VO ne l'auront peut-être pas encore lu non plus, parce que c'est un numéro quand même qui fait 70 pages de BD, qui est sorti mercredi dernier. On n'a pas envie de vous. On a envie d'en parler en spoilant allègrement. On n'a pas envie de vous l'imposer. Donc du coup, voilà. Vous êtes lecteur VF ou vous n'avez pas lu DC Universe Rebirth, ou vous ne voulez pas être spoilé. Et ben vous vous arrêtez là. Nos prochains rendez-vous, c'est jeudi sur nos écrans X-Men Apocalypse. Et le week-end prochain, The Flash, le débrief de la saison 2. Donc double dose sur nos écrans cette semaine. Le prochain mag, c'est mardi prochain, le 7 juin. Donc, on va se faire notre petit instant prostitution habituel. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, @comicstories, sur Facebook. Vous pouvez nous envoyer des mails, redac@comicstories.fr, si vous voulez réagir à nos émissions, aux articles qu'on propose, si vous voulez nous soumettre des thèmes, des questions que vous posez sur les comics, sur l'actualité, sur des choses choses que vous avez lues ci et là et que voilà, vous aurez besoin, vous avez envie d'avoir notre avis ou quoi, n'hésitez pas. Pour des propositions d'ordre sexuel, vous marquez pour Clément en objet de votre mail. Et puis pour le reste, voilà, tout devrait bien se passer. Sachez également que nous sommes toujours en recrutement, que nous cherchons de nouvelles plumes et de nouvelles voix pour les podcasts. Donc n'hésitez pas également à vous proposer. En général, on est plutôt accueillant. En général. Si Clément vous ouvre pas la porte, tout va bien. C'est ça. Ça dépend qui est à l'entrée. Allez. On se retrouve. Putain, je m'étouffe. Ouais, bah c'est ta provocation là qui. Allez, on se retrouve de l'autre côté du générique pour ceux qui veulent nous entendre parler de DC Universe Rebirth numéro 1 et on se retrouve jeudi pour tous les autres. À bientôt. Salut. Salut. Et comme promis, nous voici donc après le générique pour vous parler du comics de la semaine, DC Universe Rebirth numéro 1, qui est sorti mercredi dernier, qui est sorti en grande pompe, qui a beaucoup marché, qui est déjà épuisé chez Diamond, qui est quasiment introuvable maintenant dans les comic shops, en tout cas dans les gros comic shops en France. Un gros succès pour DC Universe Rebirth numéro 1. À se demander si DC n'a pas été même dépassé par ce succès, parce que pour se retrouver un peu épuisé aussi vite et puis avoir préparé un deuxième tirage en hardcover sans penser que peut-être le souple serait déjà épuisé, enfin voilà. Peut-être qu'ils ont été un peu dépassés par l'ampleur. En tout cas, on connaît pas le nombre de ventes. Ça va être le gros suspense. Aucune communication de la part de DC, comme peut le faire parfois à Marvel, en disant, par exemple récemment, ils l'ont dit un mois avant la sortie du numéro, voilà, Black Panther a déjà écoulé 300 000 copies en précommande. Là, rien du tout du côté de ce numéro, donc ça sera la grosse surprise dans une dizaine de jours, quand Diamond va annoncer les chiffres. A priori, on peut s'attendre à des ventes records. Hein. Donc, à voir. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On a eu Justice League 50 qui a révélé l'identité du Joker. On peut en dire deux mots, puisqu'on est dans une partie spoiler, donc voilà, on peut en dire deux mots. Il y a ceux qui trouvent qu'on s'est foutu de notre gueule. Et il y a ceux qui sont plutôt contents de cette annonce. De quel côté vous vous situez? D'abord, on va peut-être le dire. Hein, si quelqu'un veut parler un petit peu de tout ça. Moi, si tu Vas-y. Veux. Alors de mémoire, je crois que Batman va découvrir l'identité du Joker en mettant un masque, c'est ça? Je sais plus comment ça s'appelle. Il demande à la chaise. La chaise. Ah oui, la chaise. Je sais plus quoi. La chaise de Moebius. Moebius. Ouais, il va être sur la chaise de Moebius. Il va demander l'identité du Joker. Et alors là, on nous dévoile qu'en fait, c'est pas un Joker, mais trois Jokers. Voilà. Donc le Joker n'a pas une identité, mais trois identités. On a le Joker des tout débuts, on a le Joker style celui de Killing Joke et le Joker des New 52 qui sont trois différentes personnes. Voilà. Voilà. Donc après, il y a ceux qui pensent qu'on s'est foutu de notre gueule et il y a ceux qui sont satisfaits. De quel côté vous vous rangez? Moi, je pensais qu'on sautait de ma gueule avant de lire DC Rebirth et quand tu le lis, finalement, ça prend du sens. On en parlera après peut-être pourquoi, mais ça prend du sens quand tu lis DC Rebirth. Ça m'intéresse de savoir pourquoi effectivement tu dis ça. Clément, tu penses qu'on s'est foutu ta gueule, toi, clairement. Alors, du coup, je vais. Ouais, j'ai vraiment pas aimé l'idée. Enfin, moi, à la rigueur, je préfère ne pas savoir l'identité du Joker parce que c'est le Joker. Ouais, j'ai eu un peu l'impression qu'ils se sont dit on va balancer ça parce que ça va faire le buzz, mais en fait ils se sont dit ah merde, on n'aurait pas dû le dire parce que ça nous fout bien dans la merde. Et donc on va balancer que le Joker a trois identités. Maintenant, je vais quand même nuancer ce que je vais dire. Je suis un peu comme Arnaud. Effectivement, au tout début, je me suis dit, putain, c'est vraiment foutu de ma gueule. Et en fait, quand tu lis DC Universe Rebirth 1, tu dis ah ouais, mais quand même ça peut se tenir, c'est pas si ahurissant que ça. Enfin, je suis D'accord. très partagée. D'accord. Moi, je t'ai content avant même de lire DC Rebirth parce que du coup, comme Rebirth n'est pas un reboot, donner un nom au Joker, ça m'emmerdait. Donc du coup, non seulement on lui donne pas de nom, en plus on brouille encore plus les pistes en Ouais. disant qu'ils sont trois. Voilà. Après, ce qui m'emmerde, c'est que quand même, la chaise sur laquelle se trouve Batman, c'est quand même la chaise d'un New God, c'est une chaise qui est censée détenir toutes les vérités, etc. Et qui finalement, quand on lui demande le nom du Joker, ne donne pas de nom. Bizarrement. Ouais. Ça m'emmerde un peu. Ça colle pas avec le pouvoir de, voilà, de ce fauteuil. Après, le fait qu'on nous fasse cette pirouette, moi, ça m'a plutôt arrangé et plutôt plu à la rigueur. Donc, Oui, après, je fais partie des gens qui ne voulaient pas connaître l'identité du Oui. Joker. Dans un sens, c'est plutôt bien. Ouais, dans un sens, c'est un bon quiproquo, je trouve. Statu quo, pardon. Ouais, compromis aussi. Ouais. Allez, on va parler du fameux one shot DC Universe Rebirth numéro 1 maintenant. Avant de parler des deux gros twists, des deux grosses choses apportées par ce DC Rebirth, qui sont l'identité du narrateur et le twist final, on va quand même donner un avis, ce qu'on a pensé de ce DC Universe Rebirth numéro 1, comment on a vécu cette lecture, comment on en est ressorti, parce que voilà, il y a des choses à dire, hein. Ouais. Et puis après, on spoilera et on parlera vraiment de l'intrigue et des choses qui nous sont racontées à l'intérieur de ce numéro. Allez Arnaud, est-ce que tu viens commencer? Oui, bah c'est très simple, je l'ai très mal vécu parce que c'est un mindfuck total, un retournement de cerveau et de situation, et que j'ai aussi très mal vécu certains passages qui m'ont mis les larmes aux yeux, surtout avec le narrateur, disons. Et non. J'ai adoré, mais je l'ai très mal vécu parce que je suis passé par toutes sortes d'émotions autour des 80 pages que fait ce numéro. Mais je l'ai adoré et DC a fait, avec ce twist final, a fait quelque chose d'impensable que vraiment, je pense, personne n'aurait pu imaginer. Et c'est cool. Mais est-ce que ça va bien fonctionner? On verra. Ouais. Alors Mais du coup, pour l'instant, je suis plutôt satisfait sur juste ces 80 pages-là. je vais rebondir sur ce que tu as dit. Je vais griller un peu la priorité à Clément, mais l'occasion que tu offres est trop belle. Le fait que ce soit impensable, effectivement, c'est impensable. C'est tellement impensable que tous les indices sont là dès la première Ouais, page. ah bah oui, bien On a sûr. tout, j'ai tout vu. Et pourtant, je me suis fait baiser comme le premier venu. Voilà, enfin. Mais pareil, les premières cases, oui, enfin, voilà, c'est. on y pense Ça tous à ça. fait des On va souvenirs, pas encore ça dire ce que permet c'est, des mais on y pense choses. tous. Même si on ne connaît pas forcément, on en parlera tout à l'heure de la référence, mais même si c'est tellement iconique que sans l'avoir lu, tu peux reconnaître. Et tout au long du numéro, quoi. Tout au long du Ouais, numéro, c'est pareil. Et pourtant, voilà, je me suis fait baiser comme le premier venu. Et voilà. Moi, clairement, ce DC Universe Rebirth numéro 1, c'est le numéro. Le meilleur numéro que j'ai pu lire, que ce soit en mainstream, parce qu'en indé, j'ai quand même pris des sacrées claques ces dernières années. Mais je pense, dans ces 5 dernières années, je n'ai jamais rien lu d'aussi bon. Ça, c'est certain. Voilà. C'est une leçon de narration, c'est une leçon de dessin aussi, parce que les trois artistes sont quand même hyper performants. Voilà, Geoff Johns quitte les comics pour le moment, parce qu'on sait que c'est le dernier qui va scénariser avant en tout cas 1 ou 2 ans, à mon avis. Mais voilà, il quitte vraiment les choses par la grande porte. On a retrouvé le grand Geoff Johns. Enfin voilà, moi je suis passé effectivement par plein d'émotions. J'ai eu des frissons. J'ai un moment où voilà, j'étais à la petite larme qui commençait à monter parce qu'il se passe un truc que non, je voulais surtout pas voir. Pas après ce qu'on m'a apporté au début. En plus, ce twist final. Enfin, même si j'avais tous les éléments sous les yeux et que je les avais vus pour la plupart. Enfin voilà, j'ai quand même crié quoi quand j'ai vu. J'ai fait un gros what. Enfin vraiment, je n'ai jamais passé par autant d'émotions devant un comics depuis très très longtemps. Et voilà, c'est enfin clairement là, on a le numéro de l'année. Je ne vois pas dans ce qui va sortir cette année, qu'est-ce qui pourra faire mieux que ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Clément. Alors, je pense que je vais replacer ma lecture dans le contexte, parce que j'étais déjà, comment dire, il y avait déjà deux gugus là qui n'arrêtaient pas depuis plusieurs jours de me dire, mais lis-le le plus rapidement possible, lis-le le plus rapidement possible. Donc moi, comme d'hab, hein, mes comics, je les prends par internet, donc le comic s'est sorti mercredi, j'ai seulement pu l'avoir entre les mains samedi, donc au moment où on enregistre, hier. Il y a eu quand même des critiques qui sont sorties. J'ai vu que ça, enfin, les critiques étaient quasiment unanimes, donc je partais avec un bon a priori, mais je voyais pas ce qu'on allait me réserver. Et comment dire, je suis comme Mathieu, ça fait maintenant à peu près 5 ans que je lis des comics régulièrement en VO. Je pense bien que c'est l'une des plus grosses claques de ma vie que je me suis pris en lisant un comics, parce que tout est bien dessiné, tout est bien écrit. Il y a tellement de choses à dire. Moi, j'ai eu l'impression, voilà, c'était effectivement du grand Geoff Johns, mais il a rarement excellé dans un tel comics. Et surtout, bordel, c'est un hommage à l'univers de DC Comics comme j'en ai jamais lu. Il a fait un hommage. Tu vois que le mec, il aime son univers, qu'il aime ce qu'il fait. Et franchement, c'était brillant. Puis le twist final, moi j'ai crié, je crois que j'ai dû relire la page au moins 3-4 fois pour être sûr vraiment parce que ça paraît tellement surréaliste que je me suis dit non, c'est pas possible, c'est moi qui me fais des idées. Et en fait, bah non quoi, c'est tellement improbable, c'était tellement inimaginable que bah chapeau d'ici quoi, c'est un twist, mais je m'attendais à ce que ça soit un truc énorme, parce que forcément, Mathieu ou Arnaud n'arrêtaient pas de me le dire depuis quelques jours, mais je me serais jamais attendu à ça. Ils ont poussé le truc, mais à un niveau qui pour moi, pour le moment, va être très difficile à égaler pour les mois à venir et sûrement pour les années à venir, quoi. C'est clairement un numéro qui va, je suis d'accord avec Mathieu, c'est clairement le numéro qui va être le numéro 1 de l'année, et pour moi, ça va être l'un des numéros qui va rentrer, enfin, je vais peut-être aller très loin, hein, mais qui va rentrer certainement dans l'histoire contemporaine de DC. En tout cas, pour moi, ils écrivent une nouvelle page. Clairement. Clairement. Pour une fois, on a un comics mainstream Ouais. avec de nombreux degrés de lecture. On C'est clair. peut avoir plusieurs degrés de lecture, que ce soit même dans la, dans, enfin, par rapport à la vie réelle, à la situation de Ouais. DC, etc. Enfin, il y a plein de choses à comprendre aussi dans le sous-texte. Donc ça, dans les comics mainstream, c'est quand même pas hyper fréquent. Effectivement, j'ai relu pas mal de pages aussi. Voilà. Et puis voilà. Geoff Johns, Chief Creative Officer de DC. Il le porte Et ben bien. voilà, il est Chief Creative Ouais. Officer. Il nous pond 80 pages qui donnent la direction pour 2 ans d'histoire. A priori, on est parti pour 2 ans autour de ça. Donc voilà, c'est ce qu'on attend d'un Chief Creative Officer. Bah, et puis ça faisait tellement longtemps que DC n'avait pas provoqué autant d'émotions dans un comics, quoi. Enfin, c'est con, mais j'étais content de relire un comics de cette qualité-là chez DC. C'est sûr. Allez, on va rentrer un petit peu dans le détail de ce qui se passe dans ce comics. Tu disais, on sent que Geoff Johns aime les comics, aime l'univers DC. J'ai envie de dire, Geoff Johns aime Flash. Oui, ça c'est Puisqu'on a quand clair. même, faudra quand même une histoire de Flash, hein, clairement. Ouais. C'est une histoire, surtout une histoire de Flash, qui va rencontrer plein de personnages de l'univers DC et puis qui va se terminer par une Ah autre ouais. aventure. Mais voilà, Geoff Johns aime Flash. Geoff Johns aime Wally West. Ça c'est clair. Voilà. Parce que voilà, si vous êtes là, c'est que vous l'avez lu. Le narrateur de ce comics, c'est Wally Wally West, le West. narrateur principal. Pas le Wally West des New 52, le Blue Black, le Wally West, mon Wally West, j'ai envie de dire, celui que j'ai lu dans le run de Geoff Johns, justement, il y a quelques années, et que j'ai découvert en premier en tant que Flash. Et voilà, Wally West est de retour. Et il m'a bien failli nous le faire crever. Ah ouais, bah ouais. J'ai eu très peur, hein, parce qu'on savait qu'il allait avoir un mort, hein, dans cet épisode, dans ce numéro, ça avait été annoncé qu'il allait avoir un mort. Ouais, j'ai On eu peur aussi. l'a effectivement, mais j'ai vraiment eu peur pour Wally. Et la scène, et d'ailleurs, enfin, tu fais référence à ce que je pense, et d'ailleurs, c'est magnifiquement mis en dessin parce que c'est l'une des scènes les plus émouvantes. Ah bah la scène avec Barry, enfin oui, c'est Oui. celle-là, moi, qui m'a tiré les larmes, quoi, Et enfin. clairement, mais ça, enfin, en termes symboliques, c'est tellement beau, quoi. C'est une scène, mais t'es pris comme ça. Enfin, voilà, c'est tout ce que j'aime chez Geoff Johns, et c'est tout ce que j'aime dans l'univers de Flash, quoi. Il y a quelque chose, il y a vraiment, enfin, il y a tellement de choses à dire. C'est ce que t'as dit. Il y a tellement de degrés de lecture que. Ah, ce moment où, bon, enfin voilà, il y a quand même Wally qui est complètement résigné, qui fait des adieux à tout le monde, Ouais. qui nous fait ses adieux, parce que c'est à nous qu'il parle, qui fait les adieux à Barry dans un discours absolument bouleversant. Voilà, et puis, bah, évidemment, non, il ne meurt pas. Barry finit par se souvenir, parce que c'est la clé, en fait, Oui, de cette c'est ça. histoire, c'est la mémoire. C'est-à-dire que l'univers DC a perdu une dizaine d'années. Au moment de Flashpoint, il y a une dizaine d'années qui ont été enlevées par quelqu'un. On C'est saura ça. qui à la fin. Et du coup, ils ont oublié plein de choses. On a oublié que les Teen Titans avaient existé, notamment. On a oublié que Wally West avait existé et qu'il avait été Flash. Et même Barry avait oublié l'existence de Wally West. Et il se dit, mais comment j'ai pu, enfin voilà, au moment où il dit comment j'ai pu t'oublier, Il y a un moment où tu sens aussi tu sens qu'ils ont envie de le message de Geoff Johns qui dit mais comment j'ai pu m'égarer à ce point-là. Non, mais c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est tu sens qu'à la fois c'est l'amour pour les personnages, mais c'est clairement un message adressé au lecteur, quoi. Tu dis on c'est a une belle lettre d'excuse. Ouais, on a voulu oublier toute une partie de l'univers d'ici. Et on va vous rendre justice, on va rendre les lettres de noblesse de DC, parce que je pense qu'on pourra en parler, mais même les intitulés des chapitres, c'est hyper révélateur. Legacy, Love, qu'est-ce qu'on a encore? On a Lost. Family et Lost. Mais c'est ça, c'est Lost, ça doit être Lost, Legacy, Love, et je crois Family que c'est and Love. Je crois que c'est Family, ouais. De toute façon, il le dit, la personne qui a supprimé les 10 ans a supprimé... les relations entre les personnages, que ce soit des relations familiales ou amoureuses entre Aquaman et Mera ou Pizarro et Black Canary, et les relations familiales avec les Flash par exemple. Et ce qui est encore Superman aussi. Et ce qui est encore mieux, c'est que finalement, c'est parce que tu parlais de l'exemple de Green Arrow et Black Canary, mais moi ce qui m'a marqué, c'est finalement ils ont voulu effacer ça. Et ce qui semble transparaître à ce comics, en fait, c'est con parce que c'est quelque chose d'inévitable. Enfin, moi, de ce que j'ai compris, grosso modo, Wally West dit, mais de toute manière, même s'ils ont plus la mémoire, même s'ils savent plus qu'ils sont ensemble, qu'ils ont des liens, et ben en fait, inconsciemment, ils s'en souviennent. C'est toujours là au fond d'eux. Ouais. C'est ça, toujours là au fond d'eux. Au fond de supprimer leurs souvenirs, mais pas les. Et ce qui ressort de ce numéro, c'est ça qui est brillant d'ailleurs, c'est la partie legacy, quoi. Enfin, il y a tout un aspect sur l'héritage. De DC qui ressort, quoi, et enfin, c'est flagrant. Il y a beaucoup d'héritage. On voit Wally West qui a quand même été Kid Flash, on revoit Aqualad. Enfin, Aqualad est de retour, ben oui. Il y a beaucoup de choses sur l'héritage. Aqualad. La sensation de pouvoir. Ouais, et puis voilà. Comment Damian Wayne qui fête ses 13 ans. Du coup, il devient un adolescent et du coup, ça va lancer les Teen Titans. Ah oui, exact. Oui, parce que il y a plein de petites choses comme ça, effectivement. Il y a beaucoup de ça, de l'héritage, de la passation du pouvoir et de. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, il y a tout cet aspect-là, mais finalement, à travers ce numéro, John Jones, il vient faire un gros. Il vient mettre un gros fuck au New 52, parce que finalement il vient dire que Flashpoint, ça a pas rebooté l'univers en fait. C'est juste que il y a eu une partie de la mémoire des super-héros. Même univers, mais. Et alors, modifié. Alors c'est par contre, il y a un truc. Moi, c'est une notion que j'ai l'impression qui est apparue pour la première fois parce que je l'avais pas lu. Il parle de microverse. Non. Mais c'est un peu à la mode le microverse en ce moment. Donc, voilà. J'avais pas compris le délire, quoi. Mais... Donc c'est en vogue. Tu parles du microverse, on parlait de l'héritage. Ouais. Là, avec l'atome, l'étudiant qui contacte, c'est un ancien atome aussi. Ou la discussion entre les deux Blue Beetle, entre le nouveau et Ted Kord, et puis voilà, ce petit retcon de la retcon concernant l'origine du scarabée qui était magique, puis alien et qui maintenant redevient magique. Voilà, c'est aussi important pour tout ce qui est notion historique. Et puis ce connard quoi qui a enlevé ses 10 ans quoi. Voilà, parce que du coup Geoff Johns s'excuse en gros de New 52 et de Flashpoint, voilà, en étant tout à fait conscient que c'est quand même lui qui l'a créé, parce que c'est lui Flashpoint, c'est lui le début de New 52. Donc voilà, il s'excuse vraiment aussi à titre personnel. Mais moi là quand il parle de ce type qui a enlevé 10 ans de continuité, qui a enlevé 10 ans de la vie des personnages, voilà, tu peux pas t'empêcher de penser à Dan Didio. Et il y a aussi un message à lire là derrière. Il y a des messages comme ça dans tous les 80 pages. Et moi j'ai pensé tout de suite à Didio. Enfin, c'est le premier qui m'est venu à Dan Didio. Mais il y a plein comme ça de petites phrases, de petites choses qu'on sent clairement comme étant à la fois des excuses, mais aussi des piques à Dan Didio. Et donc forcément, il y a tout ce sous-texte là. Et puis, effectivement, on nous ramène Wally, on nous ramène l'ancien Superman, on nous ramène plein de choses comme ça. Il y a plein de petits indices pour la suite qui sont donnés, des pistes qui sont lancées. Et puis on arrive à la grosse révélation et à quelque chose qui aurait dû être fait à mon sens depuis longtemps. Parce que ça a toujours été DC, ça n'a jamais été Vertigo ou autre que cette série là. Donc voilà, après il y en a un qui doit se bouffer la barbe en ce moment, mais voilà. Ah oui, c'est clair. mais voilà, enfin 30 ans, ça va faire une trentaine d'années je crois que ça existe. Enfin Watchmen est ramené et fait partie de l'univers DC. Et quelle surprise! Voilà. Et effectivement, c'est le gros mindfuck, quoi, quand on comprend que, effectivement, ceux qui sont au-dessus de tout ça, et en Bah. particulier celui qui est au-dessus de tout ça, c'est Manhattan. Ouais, et alors ça? Et en même temps, c'est presque logique, parce qu'il fallait un Ouais. personnage d'une puissance, qui est la puissance d'un dieu, pour être capable d'avoir cet impact sur la timeline et de modeler l'univers, etc. Et donc, bah oui, Docteur Manhattan, c'est logique. Et encore une fois, on avait tous les indices depuis C'est le début, ça. dès la première page, avec ce putain de gaufrier, cette planche en 9 cases, Avec avec la montre. Enfin, tout est là, quoi. Il y a des phrases, il y a des phrases extraites directement des dialogues de Watchmen qui sont dans ce Et je truc. pense même que l'aspect narration de Wally West, c'est directement une référence à Rorschach. Oui, sans doute, sans doute. Je viens d'y penser, mais c'est clairement, quand j'y pense, bah, c'est clairement la même construction narrative qu'un comics de Watchmen. Et du coup, voilà, on a tout ça, on a la mort de Pandora, parce que putain, cette connasse de Pandora, ça y Elle est, meurt quoi. enfin, quoi. Elle se fait mais dézinguer la race, Elle se fait c'est trop bon. atomiser. C'est trop bon. Et dans une page qui en plus est un swipe quasiment parfait de Watchmen numéro 12 avec la mort de Rorschach justement, jusqu'au fait qu'elle enlève son masque et sa capuche comme Rorschach. Enfin voilà, on a le même nombre de Ah, cases, la j'y même avais composition, c'est pareil, c'est la même planche, la fumée à la fin, enfin, c'est pareil, c'est la même. Et quand je l'ai vu, je fais ah bien, il y a encore un hommage à Watchmen et tout ça. Et putain, mais connard quoi, t'aurais pas pu. Enfin voilà. J'en suis presque voulu de pas l'avoir vu tellement ça crevait les yeux pendant tout le comics. C'est Mais clair. voilà, et encore une fois, en même temps, tu le vois, tu vois toutes ces références, tu les comprends, Ouais, tu les mais comprends, mais tu te dis non, c'est pas possible. voilà. Et C'est ça. jusqu'à la planche finale avec Batman, enfin, finale, avant l'épilogue, jusqu'à la planche avec Batman, qui tient un petit objet dans sa main. Voilà. Et bah là, tu te dis, bah là, c'est bon, quoi. Tu dis, what? C'est là où tu cries le what? C'est là, voilà, c'est là que tu cries what, effectivement. Parce que c'est Et du. quand même, le petit caption qui est juste au-dessus avec Someone's watching us ou un truc comme Ouais, ça, enfin voilà, ah avec le mot watching en gras. Voilà, enfin là tu comprends quoi. Et puis cet épilogue avec effectivement Manhattan qui remet en place les rouages d'une montre, la fameuse montre qu'on avait vue au début, qui n'était pas que celle de Wally West, qui était surtout la sienne. Et du coup, voilà. Et ce compte à rebours qui s'enclenche pour l'univers DC. Ça y est, l'horloge est de nouveau ici et elle indique minuit moins le quart. donc c'est voilà, c'est. Donc du coup, voilà, on se dirige vers un compte à rebours qui durera a priori 2 ans, d'après ce qui nous a été annoncé. Avant sûrement l'un des plus gros events, enfin, ça risque d'être un, si c'est bien mené, ça risque d'être un event de malade. Effectivement, maintenant la question c'est est-ce que ça va être bien mené? C'est ça la plus grande peur, quoi. Autre indice qu'on a quand même, voilà, enfin, Geoff Jones nous a peut-être placé ça depuis beaucoup plus longtemps qu'on le croit, puisqu'on a quand même un personnage qui a été lancé dans Superman, dans le rôle de Geoff Jones, qui est le personnage de Mr. Oz, qui est un personnage qui est un peu omniscient, qui surveille un peu Superman, qui surveille un peu tout le monde, dans une pièce avec plein d'écrans télé, etc. Enfin voilà, qui sait tout sur tout, Ça fait penser à quelqu'un. qui surveille tout le monde, et voilà. Et tu vois ça, tu vois Mr. Oz est là en plus dans le DC Rebirth, effectivement, et c'est là où tu comprends effectivement le lien entre Oz et Watchmen, et tu dis, ok, bon, je me suis fait baiser. C'est Ozymandias. Voilà, donc du coup, Et voilà. si tous les personnages de Watchmen étaient présents ou vont être présents Peut-être qu'ils le sont dans déjà l'univers tous, d'ici? c'est Et qu'on possible. n'a pas capté, mais bon. C'est Oui, possible, peut-être. voilà, c'est possible. Mais c'est là tout le génie, parce que, enfin, je pense pas. En plus, ce qui est très fort, c'est que ça aurait très, très bien pu être un truc qui allait fuiter Bah ça a dehors. fuité, hein. Ça a fuité le. Non, Ça a mais je veux fuité dire. dès le samedi, hein, ça a fuité l'histoire de Watchmen, hein, Non, donc. mais je veux dire bien avant, quoi. Il y a des trucs comme ça Ah qui ont fuité pas mal de temps avant. Et là, finalement, oui. Finalement, le c'est. secret était plutôt bien gardé jusqu'à Ouais. l'arrivée des premiers comics, voilà, qui ont été envoyés, etc. Et là. Bah là, les critiques ont été dithyrambiques, mais je pense que ça a pris tout le monde de court. Ah bah oui. Enfin, clairement. Et puis, comme tu disais, moi, j'attends avec impatience la réaction d'Alan Moore. Ah ben je pense que là oui il est en Le train de timing. Je pense boucler qu'il va faire son. une crise cardiaque. Je pense que Monsieur Moore n'est pas très content. Mais bon, Ah bah, à la rigueur, on l'emmerde, quoi. bon, on l'emmerde peut-être pas, parce qu'il a quand même fait une des plus grandes œuvres voilà, de l'histoire des Oui. comics, mais bon, à la rigueur, voilà, il a créé quelque chose dans l'univers DC, c'est un moment normal que ça soit réintégré. Ah oui, c'est sûr. C'est vrai que jusqu'à présent, on savait pas trop la place, quoi. Après, est-ce que finalement, ils y pensaient pas déjà pas mal de temps avant? Parce que bon, avec Before Watchmen, quand même, qui était il y a, je sais plus, 2012-2013. Ouais, c'était juste après New 52, donc ouais, Bon, 2013. après, la qualité était discutable sur certains titres. Oui, non mais ça c'est sûr, mais Mais c'est vrai que ça ça montre leur volonté, voilà, qu'ils ont, ils avaient peut-être déjà l'idée de faire quelque chose avec Watchmen. Peut-être, n'oublions pas que dans Before Watchmen, il y a une seule série qui ne se situe pas avant Watchmen, mais après, c'est celle sur Manhattan. C'est pas faux. Voilà. Donc après, est-ce qu'ils avaient déjà décidé à cette époque-là? Franchement, je ne crois pas, ça serait leur prêter bien trop d'intention. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est la fin du Docteur Manhattan prend aujourd'hui un autre sens et Geoff Johns a sûrement dû s'en servir. Ah oui, bah oui, ça, voilà. Certainement. Bien. Et ben, on va s'arrêter, voilà, on va s'arrêter ici. Hein. Lisez évidemment DC Rebirth. Il est disponible sur Comixology. Voilà, si vous n'arrivez pas à le choper en comic shop ou sur internet en vente à distance, c'est un peu normal parce que voilà, il y a pas mal de succès et c'est un numéro qui commence à être difficile à trouver. Il va être proposé. Il y a un deuxième tirage qui arrive, a priori, dans 3 ou 4 semaines, en hardcover, pour $6. Voilà, vous allez avoir un beau format, un peu agrandi, une couverture rigide, voilà, quelque chose qui rend un peu hommage, qui donne un peu l'honneur que ce numéro mérite, à mon sens. Et puis, voilà, soyez quand même, à mon avis, assurés qu'il y aura aussi un troisième print en souple pour $3, puisque, voilà, vu le succès du truc. Maintenant, on va guetter les chiffres de vente, on va guetter les numéros Rebirth qui arrivent dès la semaine prochaine, avec notamment le Batman Rebirth qui est très attendu. Et puis voilà, on vous tiendra compte, on vous rendra compte de tout ça, de nos lectures au fur et à mesure un petit peu. Et puis maintenant, on espère que toutes ces idées qui ont été balancées par Geoff Johns vont être prises par les scénaristes et que ça va pas être juste une espèce de patate chaude qui vont se passer de main en main sans trop savoir quoi en faire. Parce que c'est le risque aussi avec quelque chose d'aussi gros. Ouais. Allez, on va se quitter. On se retrouve jeudi pour Sur nos écrans, comme on vous l'a dit. Et évidemment, allez lire DC Rebirth numéro 1. À bientôt. Salut. Salut.